Chapitre 7e. Madame Blacher ayant souhaité que le jeune ménage passât l'été auprès d'elle, Raymond et Claire quittèrent Paris au commencement de juillet 1885 pour s'installer à Château-Frayé. Ils y étaient depuis une semaine à peu près, lorsqu'un matin Claire trouva sur la table de sa chambre un énorme bouquet. « Tiens, au fait, c'est vrai, » dit-elle, « il y a déjà un an que nous sommes mariés. C'est gentil à vous, Raymond, d'y avoir pensé. » Raymond fut obligé d'avouer que l'idée n'était pas de lui, mais de sa mère. « Ah !» dit Claire après un silence. « Ce n'est pas bien. Nous n'aurions pas dû laisser à d'autres, fût-ce à votre mère, le soin de nous rappeler cet anniversaire. »« Bah !» répondit Raymond. « Qu'est-ce que cela fait ?» Or, tandis qu'il jetait dédaigneusement ses paroles, d'un ton d'indifférence affectée, sa pensée remontait le cours des jours écoulés depuis celui qui les avait mis l'un à l'autre. Il se revit tel qu'il avait été ce jour-là, heureux de vivre, confiant dans l'avenir. Et la comparaison qu'il fit de l'état présent de son âme à la sainte allégresse dont elle débordait alors, lui parut si désespérante que son cœur se serra. Comme il se tenait près de la fenêtre, le visage tourné du côté du parc, le contact d'une main qui se posait doucement sur son épaule le fit tressaillir. Il se retourna vivement. Claire était devant lui et le regardait avec une expression de tendresse grave qu'il n'avait pas rencontrée depuis bien des mois dans ses yeux. « Réparons notre oubli, » dit-elle, « embrassons-nous. » Il prit entre ses mains la tête de la jeune femme et baisa longuement ses paupières baissées. Elle s'abandonnait à cette caresse et songeait que c'était à Biarritz, dans la chambre d'amour, qu'il l'avait pour la première fois embrassée ainsi. Quand elle rouvrit les yeux, le visage de Raymond était si pâle, si douloureux, qu'elle eut peur. « Ah, mon Dieu, qu'avez-vous ? Rien, » dit-il. À son tour, il ferma les yeux, et deux grosses larmes roulèrent le long de ses joues. Il les essuya du revers de la main avec une sorte de rage, comme s'il avait eu honte de cette faiblesse. Puis il se mit à parler bruyamment de choses indifférentes, tandis que Claire se demandait quelle pouvait bien être la source cachée d'amertume d'où ses larmes avaient jailli. Les jours suivants, elle pensa plus d'une fois à cette petite scène qui la préoccupait d'autant plus que Raymond refusait d'en parler avec elle et de lui révéler les causes de cette inexplicable émotion. « Ne songez donc pas à cela, » lui répondait-il d'un air dégagé. « Il y a des moments où je suis nerveux et impressionnable comme une femme. C'est une infirmité. Vous m'humiliez en me la rappelant. » Mais Claire ne se payait pas de ces mauvaises raisons et revoyait sans cesse la figure de son mari telle qu'elle lui était apparue pendant une seconde, les traits contractés par une mortelle angoisse. L'idée lui vint de procéder à un petit examen de conscience. Il lui parut qu'elle avait, depuis un an, fait son métier de femme le plus honnêtement du monde. Que pouvait-on lui reprocher en effet? Raymond ne trouvait-il pas dans son intérieur le confortable, l'ordre, l'économie que pouvait souhaiter le plus exigeant des maris? Quelle maîtresse de maison s'entendait mieux qu'elle à diriger ses domestiques, à donner un dîner? Coquette, sans doute, mais d'une coquetterie tellement innocente. D'ailleurs, qu'on cite la femme, jeune et jolie, qui ne l'est pas un peu. Elle aimait le monde aussi, mais n'avait-elle pas loyalement avoué ce goût avant de se marier? N'était-elle pas une compagne dévouée, travaillant sans relâche et non sans habileté à la réputation, au succès littéraire de l'homme dont elle portait le nom? N'avait-elle pas enfin une sincère affection pour lui? Sa conclusion fut que l'accès de désespoir dont Raymond lui avait donné le spectacle était chose incompréhensible et qu'il n'y fallait voir apparemment qu'un effet de l'imagination fantasque et de la sensibilité maladive des poètes. Elle résolut toutefois de soumettre le cas à sa belle-mère. Depuis longtemps déjà, Madame Blacher avait remarqué la tristesse de Raymond, en dépit de tout le soin qu'il mettait à lui cacher et des faux fuyants qu'il prenait chaque fois qu'elle avait voulu l'amener à une explication sur ce point délicat. C'était, pour une mère aussi tendre, une souffrance allant jusqu'au remords, de penser que non seulement elle avait prêté les mains à ce mariage où son fils ne trouvait point le bonheur, mais qu'elle-même avait travaillé à dissiper les craintes qu'inspirait à Raymond le caractère, les goûts et les idées de celle qu'il avait épousée. Une femme ordinaire se fût contentée de maudire sa belle-fille. Mieux inspirée que l'est en pareil cas le commun des belles-mères, la générale comprit qu'elle avait un autre rôle à jouer entre son fils et sa bru que de prendre parti pour l'un, au risque de froisser l'autre, et de transformer en un véritable discord ce qui n'était en somme qu'une incomplète harmonie. D'ailleurs, elle avait pour Claire une affection véritable, une de ces affections indulgentes, comme en ont quelquefois les vieilles femmes ayant dit adieu au monde, pour les petites personnes sémillantes dont les vives allures, la jeunesse, l'entrain, réjouissent leurs yeux et réchauffent leur cœur. Car il n'est aïeul si décrépite qui ne trouve douceur à se rappeler le temps où ses cheveux d'argent étaient des cheveux d'or, où le regard des hommes lui disait qu'elle était belle, le temps où elle aussi, peut-être, aimait à plaire. Comme l'abbé Papillon, qui avait maintes fois exprimé cette opinion de Bantelle, Madame Blachère pensait que les défauts de Claire étaient plutôt imputables à une éducation mal faite qu'à sa nature même, et qu'il n'était pas impossible de métamorphoser peu à peu cet enfant gâté en une femme simple, bonne, capable de rendre parfaitement heureux son mari. Avec la rectitude et la sûreté de son jugement, sa bienveillante sagesse, sa douceur ferme, son tact, l'instruction étendue et solide qui lui donnait un singulier prestige aux yeux de Claire depuis que la jeune femme se piquait de littérature, avec l'esprit qu'elle savait, quand il en était besoin, appeler au secours de la raison, la générale était particulièrement apte à exercer une influence heureuse sur sa belle-fille. Les circonstances semblaient d'ailleurs favorables. Madame le couturier ne devait point habiter les Ormes cet été-là, non plus que son mari, qui voyageait hors de France. Claire, un peu lasse de son hiver et reprise d'une belle passion pour le cheval, paraissait goûter fort les plaisirs de la campagne. Madame Blachère allait donc la voir près d'elle et tout à elle pendant 2 grands mois. Que ne fait en 2 mois une mère qui sent que le bonheur de son fils est en jeu ? Claire ayant pris le parti de lui raconter la petite scène qui s'était passée dans sa chambre, la générale hocha la tête. « Il a pleuré, dites-vous, mon enfant. C'est grave. Ces pleurs d'homme, j'entends d'homme de la trempe dont est votre mari, ne coulent pas comme les nôtres. Ils viennent de plus loin. Ils sont plus amers aussi. C'est de la quintessence de douleur. Ma fille, croyez-moi, il ne faut jamais faire pleurer un homme comme celui-là. Mais je n'ai rien fait pour cela. En êtes-vous bien sûr ? « Absolument. Vous avez bien cherché. Ce matin encore, je n'ai rien trouvé. Parce qu'étant une affreuse petite positiviste, ma mignonne, vous avez sans doute cherché seulement dans l'ordre des faits. Tel que je vous connais, vous avez dû vous dire « Je suis une très bonne maîtresse de maison. J'ai un appartement, des toilettes, une table qui font honneur à mon mari. Comment ne serait-il pas heureux ? Trouvez-vous que cela ne soit rien ? Dieu m'en garde ! Seulement j'estime que ce n'est pas tout. » « Mais enfin, je fais tout ce que je peux pour lui être utile. Oh, ce n'est pas là ce qu'un mari demande à sa femme quand il l'aime. Aimez-le, et il vous tiendra quitte du reste. Vous savez bien que je l'aime. » « Oui, seulement comme l'instinct propriétaire est fort développé en vous, c'est moi, j'en ai peur, parce qu'il est lui. » « Que parce qu'il est à vous, que vous l'aimez, petite. Vous voyez la nuance, n'est-ce pas ? Notez-la, si vous voulez. Et, dame, vous comprenez ? Il sent peut-être, ce garçon, que votre affection pour lui ne diffère pas d'une façon appréciable de celle que vous avez pour vos meubles, pour vos bijoux, pour votre argenterie, que sais-je encore, pour Trilby, que cette affection n'est pas d'un ordre sensiblement plus élevé, et ça l'humilie, ça l'afflige, parce qu'il rêvait autre chose, et parce que c'est autre chose aussi qu'il mérite. Je radote peut-être, c'est de mon âge. Pourtant, il doit y avoir du vrai dans tout cela, qu'en dites-vous ? Je dis que Raymond a des idées qui ne sont pas de ce temps-ci, j'en conviens. Il ne faut pas lui en vouloir. C'est notre faute, à son père et à moi, s'il les a. On ne s'en douterait guère quand on me regarde aujourd'hui. J'étais jeune, ma chérie, qu'il y a longtemps de cela. Non pas jolie et charmante comme vous l'êtes, mais présentable, enfin. Et j'avais un mari qui était le plus noble des hommes, un mari dont le souvenir fait battre encore mon vieux cœur. Vous verriez, ma fille, si Raymond venait à partir avant vous. Comme il y a des morts qui restent vivants. Nous aimions. Ah, tenez, il me semble que c'est hier. Et voilà 7 ans, pourtant, que je les conduis où j'irai bientôt leur joindre. Nous nous aimions. Savez-vous ce que nous avions fait pour être sûrs de nous aimer toujours ? Nous cachions un peu notre vie, au lieu de la répandre dehors. Nous ne nous laissions pas envahir par le monde, sachant qu'il est l'ennemi des ménages unis et heureux. Voulez-vous que je vous dise ? L'amour conjugal n'est pas une plante de plein vent et de grand soleil. Il lui faut un peu de solitude et d'ombre. Raymond nous a vu vivre ainsi. Nous l'avons élevé nous-mêmes. Nous avons pensé qu'on n'est pas tout à fait père et pas tout à fait mère, tant qu'on n'a pas infusé un peu de son âme dans l'être qu'on a formé de sa chair. Mon mari travaillait à lui enseigner les hautes vertus, le devoir, l'honneur, le courage. Moi, je lui enseignais la pitié, la tendresse. Je féminisais d'une retouche légère ce petit Romain stoïque que le général pétrissait de ses robustes mains. « J'ai donné la trempe à la lame, » me disait-il un jour en montrant son fils. « Tu l'as damasquiné. » Comment voulez-vous que ce garçon, ayant eu sous les yeux le spectacle de la plus étroite communion d'âme qui se puisse concevoir entre deux époux, n'ait pas à son tour un grand besoin de tendresse et d'intimité? S'il souffre, soyez-en sûr, c'est parce qu'il n'a pas trouvé cela auprès de vous, petite folle, qui courait après le plaisir, tandis que le bonheur est là, qui vous attend, à la maison. « C'est drôle ce que vous me dites, » fit la jeune femme d'un air un peu rêveur. « On ne m'a jamais parlé comme vous venez de le faire. » De ce jour, Claire sembla prendre tout à fait goût à la société de sa belle-mère et passa chaque après-midi plusieurs heures à causer avec elle. Raymond, qui désirait publier son livre en rentrant à Paris, ne paraissait guère qu'au moment des repas. Madame Blachère put ainsi soumettre peu à peu, sans que personne s'en doutât, à une invisible direction morale, cet esprit jusqu'alors ennemi de toute discipline, vivant comme il arrive aux écrivains quand ils composent, dans un monde imaginaire, au milieu d'êtres fictifs qui détourneraient son attention de la réalité, Raymond remarquait à peine l'affectueuse cordialité des rapports qui s'étaient établis entre les deux femmes. Quant au bon abbé Papillon, il eut bien vite discerné le but que se proposait Madame Blachère et s'empressa de mettre un dévouement avisé au service de sa diplomatie maternelle. On le voyait se livrer avec la jeune femme à de longues discussions littéraires, au cours desquelles sa verve gouailleuse s'exerçait intarissablement contre cette pacotille d'opinions rares que Claire avait laborieusement formée et dont elle eut un peu moins de propension désormais à exhiber les bizarres échantillons. L'imprudente s'avisa de dire un jour qu'elle pourrait mettre à la disposition de Raymond au moins 100 pages de documents recueillis çà et là pendant l'hiver. L'abbé prit texte de ce propos pour la railler assez vertement sur ses prétentions littéraires. « Vous êtes un ange, » lui dit tout bas Madame Blachère quand il eut fini. La fin de juillet, août et septembre se passèrent ainsi. Voulant éviter à tout prix que sa belle-fille s'ennuyât et qu'il lui prît un beau matin fantaisie d'aller rejoindre sa mère à Luchon, la générale s'était gardée de la sevrer complètement de distractions mondaines. Elle entreprit en compagnie de Claire des tournées de visite aux environs, donna plusieurs dîners, fit exécuter à Château-Frayer des aménagements intérieurs, qui devait occuper l'activité de la jeune femme. Et tout le long du jour, tandis qu'elle se promenait en voiture dans la forêt ou causait au salon, la veuve poursuivait son mystérieux travail, donnait sans en avoir l'air tantôt une petite leçon, tantôt un conseil, s'attaquait insidieusement à un travers, à un penchant mauvais, avec tant d'adresse et de circonspection, un doigté si fin, si délié, que Claire n'avait même pas conscience de cet émondage léger qui s'exerçait sur elle à toute heure. Quelquefois, Raymond, descendant de sa chambre après quelques longues séances consacrées à son roman, voyait passer dans les yeux de sa mère, lorsqu'elle le regardait, comme un éclair de malice et de joie. S'il avait pu lire au fond de sa pensée, il aurait vu qu'elle se disait alors à elle-même « Va, mon fils, fais ton livre. Pendant ce temps-là, moi, je refais ta femme. »